tous une chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met de bonne humeur. Quel que soit le style, un CD, un vinyle, on peut l'écouter pendant des heures. Un chanteur de bal un samedi soir me rappelle le début d'une histoire. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Guémozo 107 FM, merci d'être à l'écoute. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le web. Alors, pour l'instant, pour me retrouver, ça sera plutôt demain, avec le podcast, qui sera en ligne donc sur la page Gilles Mougel officielle, voilà, puisque on a toujours des soucis techniques. Bonjour le Québec, il est 10h, alors je fais des bisous à ma petite équipe et merci de me suivre encore et encore pour cette nouvelle saison, un petit peu chaotique. Donc bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Ça va bien, heureuse de te retrouver. Bah oui, tu vois, me revois Lou. tant mieux. Gilou, le retour 2. Comme on parlait avec Marc tout à l'heure de séries de DVD, de coffrets, tu sais, DVD, voilà. Donc, moi, c'est ma deuxième saison. Plein de rebondissements. Plein de rebondissements, voilà. Donc, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Alors, pour cette émission, j'ai choisi de vous faire entendre des chansons sur les prénoms féminins, volume 2. Ben oui. Ah, mais et puis je te remercie encore, Lia, parce que je me souviens, tu me l'avais rappelé il y a quelques temps, oui. Hein, c'est vrai, c'est voilà, vrai. C'était enfui, mais dans mes petits dossiers, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qu'on ressort de temps en temps quand il faut un petit peu, comment je dirais ça, un petit peu. Combler, voilà, merci quand tu es comblé. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0329 62 40 40 pour nous faire un petit coucou, serait sympa. Avec plaisir. Si, quand vous entendrez des chansons, si une chanson vous rappelle quelque chose ou votre prénom, par exemple, dans ces chansons-là. Une anecdote, voilà, appelez-nous, ça serait sympa. Alors, donc émission, voilà, les chansons prénoms féminins. Alors, pour le volume 1, je vais le rappeler tout vite. Hein. Nous avions entendu Cécilia de Joe Dassin, Adieu Jolie Candy, Jean-François Miquel, Oh Lady Mary de David Alexandre Winter, Allo Giorgia, Michel Polnareff, Juliana, Claude Michel, Hélène, Rock Voisine, Oh là là Lily. C'est un petit coucou pour ma complice. Angélique, Christian Vidal, Une rose pour Sandra, Jamie Frey, Tendre Cathy, Christian Lalagrange. Voilà, on s'était arrêté là. Mais oui. Et puis voilà, j'ai fait la suite. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien qu'on diffuse donc, la bande-annonce de la comédie musicale d'Angela Amico. Et qui nous avait, on devait faire une interview, et puis bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais Angela est très. Elle a été très compréhensive, elle est très professionnelle. Elle nous a donc aussi même remercié, malgré ça, elle nous a remercié sur une publication, voilà, toutes les radios qu'elle avait fait avant pour sa promo. Elle nous a cité aussi nous. Bah, super. C'est très sympa, mais j'ai eu l'occasion donc de la voir en concert, voilà, c'était super. Alors voilà, je tenais à passer cette bande son, parce que peut-être que des gens, ça va peut-être accrocher, parce que vraiment c'est une belle comédie musicale, voilà, avec de belles chansons italiennes. On écoute. Attenzione, attenzione, il treno in partenza per Roma, binario numero 3. Dai, presto, Roma, il treno sta per partire, per Roma. Attenzione, petit village au cœur de la Sicile. Je vous fais visiter. Volare. Caluzza, dammi il pane per favore con il prosciutto e il parmigiano, grazie. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Tu va l'americano, americano, americano. Sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra. Anna, tu sole, gloria, ma anche tu nell'aria, gloria. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore. Ciao mamma, a più tard, mamma. Elle s'est donné la vie et l'amour est venu. J'ai hâte de découvrir notre nouvelle maison en France. Laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps fait de plus beau, fait de plus grand. Les émigrants. I maschi disegnati sul letto confondono le linee di Milano. Allez, je t'emmène voir un super concert de rock à Milano. Baila morena sotto questa luna piena. Italienne, l'Italie, io vivo. Voilà donc, c'est un spectacle que je recommande, ma foi, s'il y a des auditeurs là, d'aller voir, c'est vraiment du bonheur. Il y a de l'humour, de plein de belles choses comme ça. C'est un spectacle, je dirais, contre la morosité. Ça fait du bien. Tu m'étonnes. Voilà. Ce que je voulais dire, voilà, pour Angela Mico. Puis voilà, franchement, elle était très, très, très sympa. Voilà, alors on va commencer avec la première chanson de nos chansons, portant sur les prénoms féminins. Là, on écoute Gérard Lenormand qui nous interprète Michel. Tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuits. Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, une chanson de 1976, qui était composée par Didier Barbelivien. Voilà, une belle, belle mélodie. Michel, c'est tout gentil, hein, tout doux. On se laisse embarquer, voilà. C'était les années 70. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. Tu connaissais? Oui. Oui, ah, bien sûr. Ah bah, hein, oui. Bah, oui, quand même. Alors maintenant, on va retrouver un grand crooner espagnol, Julio Iglesias. Voilà, le chéri de ces dames. Oui. Et c'est quand même un artiste, voilà. C'est dommage, il fait plus d'albums maintenant. Il continue à faire des concerts, mais il fait plus d'albums. Ah oui. Ouais, le dernier qu'il a fait, ça remonte déjà à deux, trois ans, je crois. Mais c'est quand même 300 millions de disques vendus. Ah oui. Au lieu Iglesias, à travers le monde, hein, c'est vraiment. Incroyable. Il rentre dans le top 10 des plus grands vendeurs de disques au monde. Ah oui. Ah voilà. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est une chanson de 1974, et on écoute Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Julio Iglesias. Voilà, grand artiste, Julio, avec beaucoup, beaucoup de grands succès. Oui. Il a beaucoup marché en France dans les années 80. Oui. Et puis, bien sûr, un peu partout dans le monde. Hein. C'est vrai qu'il a rempli des stades aussi. C'est vraiment un bel artiste. Voilà. Bon, il commence à y avoir un petit peu de la bouteille aussi. Ah bah, c'est sûr, ça passe. Mais voilà. Alors, en janvier 70, on va revenir dans un registre un petit peu plus rapide. Hein. Enfin, voilà, en janvier 70, Claude François reprend une adaptation d'un tube du groupe The Archie. Tu sais que c'était beaucoup la mode, hein, à l'époque, 60-70, les artistes écoutaient un petit peu ce qui se faisait outre-Atlantique, comme on dit, et ils faisaient des reprises. Alors cette chanson s'appelait Sugar Sugar, ah, ce qui veut dire, je crois, sucre en anglais. Oui. Je deviens bon. Jamais trop tard pour s'améliorer. Mais bien sûr, on voit que c'est pas difficile. Là. Voilà. Donc là, Claude François nous interprète Douce Candy. Claude François, Douce Candy. Je me souviens sur la première émission, on avait trouvé, enfin tu avais trouvé Lia, parce que je ne trouvais pas de chanson avec le prénom Lia. C'est vrai. Tu te souviens, on avait eu une petite musique, là, j'avais réécouté la dernière fois. Donc voilà, tu faisais quand même partie de ma playlist. Bah, c'est, hein, c'est bien quand même. Tant mieux. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, on va retrouver Ringo. Est-ce que tu connais Ringo ? Ah bah oui, ça me dit quelque chose. C'était le mari de Sheila. Ah oui. Mais j'ai une maman qui écoutait un petit peu tout ça. Oui, bien sûr, tout ça. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs de l'enfance. Enfin, comme pour vous, pour les jeunes. Moi, je suis d'un âge certain, n'est-ce pas? Oh, mais non. Donc moi, ça, c'est vrai que c'était mon époque, quoi, les années 70. Donc voilà, Sheila, qui c'était, enfin Ringo, qui s'était marié avec Sheila. Alors on, il téléphonait, allô Sheila, non, c'est Ringo. Ah bon, bon ah oui. Non, mais c'était chouette quand même, c'était pas mal. Et là, Ringo nous interprète un titre de 1975, Rosanna. La rue, les visages, les lumières, les musiques virevoltent. Ce soir, les forains vont faire sauter les plombs et conduire l'illusion. Et toi, dans la foule, tu nous frôles, ta beauté nous survolte. On scande ton nom, on magnifie ton corps, c'est le grand. Préviens les autres qui t'invitent que tu n'es plus à prendre. Je t'apprends de tout, la mairie, le verrou, contre un instant d'abandon. L'idée de ta peau satinée sous mes doigts est si tendre. J'en perds mon calme et si tu me dis non, je perds la. Voilà, Ringo, Rosanna, titre de 1975. C'est bien de danser une petite valse là-dessus. Tu m'étonnes. C'est une petite valse. Ça nous réchauffe un petit peu. C'est parce ça. Que, hein, c'est on ça, est fait un petit peu rien, frais, hein, mine voilà. De rien. Hein, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, ben, les auditeurs nous voient pas, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais voilà. Alors maintenant, on va retrouver un chanteur, un de nos chanteurs régionaux. C'est Jérôme qui était de la région de Nancy. Ah bon? Ah oui, c'est Jérôme était de la région de Nancy. Il habite un petit petite ville à côté, Champenoux. Ah bon? Ouais. Tu vois, tu apprends, hein, Lia, ah bah je te toujours, dis les choses, là, tu apprends. Hein, toujours. Voilà. Avec un. voilà, donc, ouais, c'est vrai que. Et puis, je fais un petit coucou. Bon, bah, il aura sur le podcast à Alain Alban. Qui est son cousin, que j'ai eu le plaisir de recevoir par Phoneur. Oui. Donc, qui fait des spectacles et qui rechante les chansons de son cousin. Donc, voilà, c'est Jérôme. Et là, on écoute, pareil, hein, sur un bon rythme, Julie à la folie. Pas pris. t'as déjà fait l'amour dans son bug qui Paris Dakar tu oublies. Julie est un baby interdit. On te fumait des John Mary. Julie à la manie. On te m'appelait Johnny. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Vous êtes sur le 107 FM Radio Guémozo, les années bonheur avec Gilou et Lia, voilà, sur les chansons avec les prénoms féminins. Voilà. Alors n'hésitez pas à nous appeler, nous faire un petit coucou. Oui. Ne soyez pas timide, ça nous ferait plaisir. Voilà, il y a peut-être une Julie qui vous a écouté là tout à l'heure. Bon, une Michelle, Manuela, bon, c'est peut-être moins court. Pourquoi pas. Alors là maintenant, on va retrouver un grand crooner, Tom Jones. Ah, oui. Ça c'est quelque chose aussi, hein, ça Tom Jones. C'est quelque chose, voilà, il y a un petit message qui arrive quand même. Donc Tom Jones, voilà, donc grand crooner. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Pierre Charby, puisque tu sais qu'avec Pierre Charby, nous avions fait 3 émissions, oui. Hommage au crooner. Ah. Il y a une émission qui est prête et qu'on fera, j'espère, bientôt, voilà. Voilà. Voilà. Donc je lui fais un bisou ainsi qu'à son épouse Cathy. Et là, de Tom Jones, on écoute de là et là. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my, Delilah. Why, Delilah. I could see. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Why, Delilah? Tom Jones, de là, il a. Voilà, donc on fait un petit coucou, une auditrice qui nous a appelé. Tout à voilà, fait. Sylvie, apparemment, voilà, elle n'a pas voulu, elle a peut-être pas osé passer sur l'antenne. Elle n'avait peut-être pas le temps. Voilà, mais c'est gentil quand même de nous avoir appelé. Voilà. Voilà, donc on lui fait un petit coucou, et puis bon. Pour lui faire plaisir, on apparemment, quelqu'un a appris par cœur la chanson Sylvie de Franck Alamo pour Franck elle. De Franck Alamo, d'accord. Donc, bah, voilà. Oui, alors on va lui passer un petit bout de Sylvie de Franck Alamo. Allez. Bah, merci d'avoir appelé. On t'embrasse, Sylvie. Voilà Sylvie, un petit bisou voilà, des animateurs. Hein, donc, Gilou, l'IA aussi, voilà, c'est gentil d'avoir appelé. Mais la prochaine fois, soyez pas timide. Passez à l'antenne. Voilà. Faites comme Sylvie, appelez-nous. Voilà, oui, voilà, c'est, au 03. C'est, voilà, c'est bien, bah, tout à fait, ça fait plaisir. Tu connais le numéro, Gilou ? 03 29 62 40 40. Ah, voilà. Comme Sylvie, racontez-nous vos anecdotes. Mais exactement. Et j'ai eu aussi un peu. J'ai eu aussi un autre message d'une autre Sylvie. Ben voilà. Voilà. Alors Sylvie nous dit, super l'émission pour les prénoms féminins. Bisous à tous. Ah bah on vous embrasse. C'est gentil. Voilà Sylvie, on t'embrasse. Mais Sylvie, c'est une fidèle auditrice. Elle est déjà venue dans nos studios. Ah. Oui. Voilà. Mais c'est sympa tout ça. Bah oui, c'est sympa. Voilà. Alors maintenant, on va repartir un petit peu sur le côté un petit peu peut-être espagnol avec. Maria Dolores, chantée par le groupe. Ça y est, je suis perturbé, moi. C'est Sylvie, ça. C'est Sylvie. Chantée par le groupe Sweet People. On y va. Elle s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'amore. D'un regard elle vous enflamme, Andalouse jusque dans l'âme. Elle est belle Maria Dolores, sensuelle Maria d'amore. d'un regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Elle s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'Amore. D'un regard, elle vous enflamme, andalouse jusque dans l'âme. Elle est belle Maria Dolores, sensuelle Maria d'Amore. D'un regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Elle n'entend. Elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Yeah. Quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Mais Maria, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria, elle s'en fout. Voilà, on était dans le rythme avec Maria Dolores, Sweet People. Ouh. Ouah, ça chauffe, hein. Ah. Ah ouais, c'est bien. Alors, je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Ah ben oui. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, c'est l'ancien Jacques Chirac. Bonjour, monsieur. Je ne suis pas décédé pour vous. Monsieur le Président. Je pensais. J'écoutais la radio dans ma voiture. Oui. Et j'entendais ces gens qui étaient un bon ami à moi. Bien sûr. Et oui. Je me suis dit, avant de décéder complètement, passer un coup de téléphone parce que personne ne m'appelle, comme d'habitude. Oui. Alors je me suis dit, permis. C'est très bien, monsieur le Président. Avec mon forfait. Oui. Voilà. D'accord, c'est très gentil, mais tu sais, tu es le deuxième Jean-Claude à nous appeler. Mais ça fait, on se tutoie pas. Ah, pardon. Oh, excusez-moi, monsieur le Président. Le Richard Desplein, je suis toi, mais pas celui-là. Ah, le Richard Desplein n'est pas encore décédé complètement. Non, non. Pas... Mais d'après ce que j'ai vu en télévision quelques jours, oui. À l'église, c'est pas... Il est un petit peut-être peu... bientôt. Oui. Peut-être bientôt. Alors, ils vont préparer un hommage aussi à Jacques Chirac et à Valéry Giscard d'Estaing. Ils s'aimaient pas beaucoup tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, ça va très bien. Et vous-même? Jean-Claude. Oui. Ben c'est gentil à toi de, oui, j'écoutais de ça faire un petit appel. C'est sympa, c'est sympa. En plus, la chanson de Tom Jones, alors j'avais fait aussi en finale avec un... C'est pas mal, hein, Tom Jones. Un yaourt avec Sophie Darel à l'époque-là. Ouais, ouais. Quand j'ai fait l'émission avec Guy Lux, on a fait un meublé avec Sophie Darel. Oui. Et celle-là, j'avais fait chanter en yaourt. En yaourt, et d'accord. Là, d'accord, ok, ok. Voilà. Bon, je rappelle... Mais le yaourt, depuis le temps, est complètement tourné. Hein. Ah oui, oui. Je rappelle à l'IA. 80, hein. D'accord, je rappelle à l'IA. Donc, nous avons Jean-Claude Poirot au téléphone. Oui. Hein, Jean-Claude Poirot, grand imitateur. Bonjour, jeune fille. Bonjour, voilà. Jean-Claude. Oui, bonjour, je la veux décéder. Ah bah, ouais. On a vu ça. Tu vois que j'ai une charmante... comment je veux dire, voilà. Copilote, et voilà, oui, qui me fait la technique, et voilà. Ah, tu vois, avec un grand sourire, toujours, c'est agréable. Et votre épouse, Jacques. Votre épouse. Mon épouse, elle fait les courses. Elle est là aussi, elle court, alors. Et elle court en même temps, non? Ah ben, je ne sais pas où elle en est là, mais je ne sais pas trop. Au rayon fruits et légumes, on l'embrasse. Voilà, on fait. Voilà, elle fait course à Cora. Non. Non, il ne faut pas dire. Bon, enfin, c'est pas grave. Elle fait à l'eau claire. Bon, ça va bien sortir. Donc, tu es sur Saint-Etienne, Jean-Claude. Alors, tu passais par là, tu faisais un petit tour. Oui, oui. Je suis pas loin du tout, là, je suis à côté de. Voilà. D'accord. Bah, c'est dommage, tu aurais pu. Bah oui, je suis vraiment au. Vraiment pas loin du tout, même. Ouais, t'aurais pu venir nous rejoindre, là. Si vous voulez, oui, parce que je suis à côté de l'hôtel de ville, là, parce que j'ai des papiers à faire. Oui. Pour ma famille Poirot. Oui, d'accord. Voilà, donc, voilà. Oh, voilà, ok. À l'hôtel de ville, pas seul de Jacques Chirac. Non. Si vous voulez, je passe vous voir vite fait. Comme mais ça. Oui, pas se faire un petit tour, bien sûr, bien avec nous. Il y a quelque chose à manger, c'est toujours aussi radin, là-dedans. Voyons, Jean-Claude, nous sommes à l'antenne. Mais je sais bien, j'en profite. Tout le monde. Non, mais pas se faire un petit tour, bien sûr, ça sera avec plaisir voilà. Pour continuer. Dans 5 minutes, le temps. Hein. Ouais, ok, ça roule. À tout à l'heure. À tout de suite, Jean-Claude. Au revoir. Ah ben dites donc, c'était bien gentil tout ça. Ah ben dites donc, vous êtes sympa. Vous êtes venu en vélo? Non, en voiture. En voiture, d'accord. Bah. On vous attend. J'arrive, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Voilà. Donc, voilà, ben c'est sympa tout ça, hein. Alors, que d'ambiance, hein. C'est vrai que, voilà, ça chauffe là, ça, c'est bien. Bah, il en perd sa voix, dit-il. Pardon, bah oui, j'étais perturbé là aussi. Là. Je me dis, mais le président Chirac, ça c'est, voilà quoi. Ça fait un bel hommage au moins. Ça fait un bel hommage, voilà. On aura fait un petit hommage au président Chirac. Voilà. Alors, nous allons revenir maintenant sur une chanson un petit peu plus calme, plus douce, une très belle chanson. C'est John Williams qui la chante, c'est la chanson de Lara. Et cette chanson, c'est la chanson du film Le Docteur Jivago. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu ce film, Lia. Je ne sais plus. Ouais, c'est un très très très beau film avec Omar Sharif et Julie Christie. D'accord. Donc, mais bon, c'est Docteur Jivago. Je ne sais plus. J'aurais dû prendre la date. Je ne sais plus à quel moment est sorti ce film. On va chercher ça. Un très beau film. Et c'est une très belle chanson. On écoute la chanson de Lara. Cette chanson

Voilà, Michel Sardou avec cette chanson Déborah, voilà, comme je disais, qui n'est pas un des plus grands titres de Michel Sardou. Il mais était bon. Un peu jaloux, le Sardou, là, non? Il était un peu jaloux, le Sardou, ah, tu vois, quand même. Peu, bon. Hein. Ouais, c'était pour le titre, ouais, Déborah, hein, c'était pas mal, puis j'aimais bien le texte, quand même, ça, c'est un petit peu coquin, quand même. Bon. Voilà, bonjour Jean-Claude, comment bonjour, vas-tu? Bonjour, ça va? C'est un plaisir de te revoir, ben là, oui, dans les loin, studios, voilà, t'étais voilà. Un petit peu dans le... Oui. Sur la place. Sur la place, voilà. À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, ouais. voilà. De Saint-Étienne, les Rémiens. De Saint-Étienne, les Rémiens, bon. D'accord. Ok, mais c'est bien. Oui. T'es pas loin, comme ça, voilà. Tu veux nous faire un petit coucou. Non, mais... Ça fait plaisir. Oui. Ça faisait longtemps. Hein, ouais. Ah, ça faisait longtemps. Ça n'a pas changé, c'est bien. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Tu n'as pas changé. Pas changé du tout. Voilà. Donc, bah, tu vois, je travaille avec Lia, tu vois. D'accord. Hein, charmante. Donc, tous les jeudis. Tous les jeudis, oui. Bon, là, actuellement, on a eu un petit problème de streaming. Voilà. Donc, de streaming. Ah bon, c'est même à l'anglais, moi. Ouais, c'est pareil. J'ai toujours été différent. Ouais. Non, c'est-à-dire que si tu veux écouter notre émission sur le web. C'est pas possible pour le moment. Ah, c'est pour ça que j'ai essayé hier après-midi. Oui, donc c'est pas possible pour le moment. Je suis monté sur le toit avec une antenne, ça marchait pas. Ouais, non. Donc, voilà, en voiture, c'est impeccable. Sur le 107, oui, bien sûr, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Ou en podcast dès demain. En podcast dès demain. Voilà. Alors, on va écouter une autre chanson. Oui. Michel Delpech, t'aimes bien Michel Delpech? J'ai imité ça, aussi. Michel Delpech, voilà, oui. bien sûr. Quand j'étais chanteur. On l'avait fait, non? Quand j'étais chanteur, ouais. Quand j'étais chanteur, tu l'avais. Sur mon site à moi, j'ai fait ça aussi. Oui, bien sûr, oui. Et là, on écoute, donc c'est les prénoms féminins, aujourd'hui, chez Laurette. Ah bon? Hein, c'est bien ça, on écoute chez Laurette. De nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés. Afin qu'on soit tranquille, dans son café il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette, on y retournera. Chez Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Voilà, Michel Delpech chez Laurette. C'était bien chez Laurette. Oui, chez Paulette aussi. Chez Paulette aussi. J'ai connu une Paulette. C'est à vrai? Chamalière. À Chamalière. Je chantais tout le temps pour chez Paulette. Chez Paulette à Chamalière. Ça, c'est le domaine de M. Giscard d'Estaing. Oui, hein, c'est bien fait. Sûr. Hein, c'est la... Oui, parce que tout à l'heure, dans la voiture, j'ai entendu que je n'étais pas encore mort. D'accord. Dans la voiture, j'ai retourné. Hein. Monsieur Poirot, Jean-Claude, exagère. Il exagère. Des horreurs pareilles sur moi. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça vous, ça met ça de vous la trouble, bonne... déjà. Alors, voilà. Joe Dassin, t'aimes bien? Oui, oui, oui. Oui, ouais, aussi, Joe Dassin. Il faut que je te tutoie ou je vous vois là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. C'est tellement vieux. Oui, c'est vieux. Oui, non, c'est pas si vieux que ça. Mais non, c'est pas si vieux que ça, non. Alors, Joe Dassin, donc, nous chante « Dans les yeux d'Émilie ». Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer. Qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Joe Dassin, donc dans les yeux d'Émilie. Alors nous avons une auditrice, Patricia, oui, qui nous dit coucou, bonjour au président. Lequel? Je ne sais pas. L'ancien ou décédé? Peut-être pas le... Ah, le vieux. C'est moi, c'est Patricia. Oui, elle bonsoir. Elle écoute. Oui, c'est un passage en même temps. Ouais, je pense qu'elle a fini les courses. Ah oui, bonsoir Patricia. Voilà. C'est moi, c'est Giscard d'Estaing, vous les connaissez? Oui, oui. Puis ben, bon, il est encore là, jusqu'à... c'est vrai qu'il a, il a un petit peu... J'ai un petit peu été surpris de le voir. Oui, ouais, c'est vrai que... Ouais. Bon, ils étaient... ça nous attend, ça ils aussi. Étaient tous... ils étaient tous là. Ben oui, ils étaient là. Tous là, quoi, à part... Bon, enfin, on ne va pas faire deux. Hein. Ils étaient tous là, à part quelques-uns bon, qui n'étaient pas... Invité, voilà, c'est ça. Joe Dassin, dis-moi Jean-Claude, est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, du tout. Non. Ah si. Je suis con. Si. Non. Oui. Ouais, ouais. Oui. Ouais, tu l'avais. C'est, tu l'as rencontré. Ouais, c'est au départ en 81 dans l'émission de Palmarès, un truc qui passait le mercredi soir sur la 3. Chez Guy. Il y avait. Oui, encore lui. Il y avait Joe Dassin aussi. C'était la chanson qui a fait vraiment un carton là. Avec les trompettes là. Ah, l'été indien. Oui. L'été indien, oui. C'était un carton, il y avait Guichard, il y avait Joe Dassin, et moi j'arrivais là, je crois que c'est la première télévision que j'ai faite, que j'ai même pas en vidéo, c'est à Lina quelque part, donc je suis arrivé là-dedans parce que Guilu, je l'avais rencontré l'après-midi à vers 5h du soir. Et puis, il répétait l'émission du soir. Il y avait Nana Mouskouri, ouais. Et puis, ce soir, il faudrait, c'était un jour de Saint-Valentin. Saint-Valentin, voilà. Donc, d'accord. C'est 14 février. Oui. 80. D'accord, ah ouais. Voilà. Okay, ouais, ouais. Et il me dit, mais ce soir, attends, ce soir, je suis dans Camillo. Oui. Eh, tu me fais chier, Coco, tu vas chercher ton costume. Carrément. On a Guy Lux, hein, il y a, tu vois. Là. Et on a fait. On a beaucoup de voix. J'ai fait des trucs vite fait comme ça. Puis après, il m'a dit, mais, après, il y a un mec qui m'a dit, mais il faut déposer au droit d'auteur. Mais non, je vais faire comme ça. D'accord. Donc je me suis inscrit au droit d'auteur. Puis en fin de compte, ça m'a fait un petit peu d'argent. Bien sûr, bien sûr. Donc tu as vu. Joe Dassin, tu l'as vu juste comme ça. Bah oui, chanter. Et puis, oui. T'as eu l'occasion de parler un petit peu avec, non. J'ai eu, surtout au départ, là, l'émission en 80, c'était Guichard qui m'a donné beaucoup de conseils en me disant que c'était vraiment Guichard. des requins partout. Ah bon. Oui, il était très Guichard, il est très. Comment je dirais bah, oui. un peu rentre dedans, mais. Et moi, j'arrivais là-dedans. C'était 6 mois après le concours à France-Inter. Et puis, l'émission Guy Lux. Tout jaune. Ouais. Présenter l'émission de Guy Lux avec lui et moi. C'est sûr que. Attends, j'ai. Ouais. J'avais du toupet, mais j'avais 30 ans. Ouais, c'est bien. Maintenant, j'ai 36 ans. Alors, on va continuer avec une autre chanson. Les Sunlight. Tu connais les Sunlight? De. Non, pas des tropiques. Non. Non, le groupe Les Sunlight. Oui. Hein, ça te parle un petit peu. Bon, très vieux, comme c'est nous. C'est très vieux, c'est très ancien. Non, mais. Elle ne connaît pas encore. Bah, je ne sais pas si elle connaît Lia, Les Sunlight. Ah, bon, bah, je ne sais pas, je te dirai ça après. Je ne sais pas si c'était pas un groupe belge, là, si je me trompe. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. On va lui louper la parole. Là. Non, excuse-moi. Un peu de galanterie, quand même. Excuse-moi, Lia. Donc, voilà, on va écouter Les Sunlight avec ce titre Maria Isabelle. Se réveille en souriant à la vie à ses merveilles, la jolie Maria Isabelle dit bonsoir aux étoiles d'or qui veillent sur son sommeil et dit bonjour à l'aurore qui s'éveille. Maria Isabelle, les garçons l'appellent Maria, Maria Isabelle ne les entend pas. La vie est si belle à 17 ans, Maria Isabelle a tout son temps. Chili-bili-li, pom-pom-pom-pom, chili-bili-li, pom-pom-pom-pom, chili-bili-li, pom-pom-pom-pom, chili-bili-li, pom-pom-pom-pom. On peut faire aller sous les branches, allonger près du ruisseau. Qui sentent bon et grand. on l'appelle Maria. Maria Isabelle ne les entend pas. La vie est si belle à 17 ans. Maria Isabelle a tout son temps. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Quand le soir ferme ses paupières, à l'heure où dans le soleil, alors monte sa prière vers le ciel, Maria Isabelle. Aux étoiles qui étincellent, elle demande un grand amour, un amour qui sera pour elle éternel, Maria Isabelle. Les garçons l'appellent Maria, Maria Isabelle ne les entend pas. La vie est si belle à 17 ans, Maria Isabelle a tout son temps. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Chiribilibi, pom pom pom pom. Voilà, alors j'ai ma petite secrétaire qui a entendu. Voilà, en fait, les Soundlines sont un groupe de musiciens et de chanteurs créés au début des années 60 par trois frères d'origine sarde habitant Roubaix. Donc je me suis planté, là, c'est pas, ils ne sont pas belges. Ah. Il y a Serge, Aldo. Je et... redoute. Il y a Serge, Aldo et Bruno. Je redoute. Et Bruno. Amusant. Ah oui. Ah oui, je redoute. Redoute à... Je ah oui. redoute à Roubaix. À Roubaix. D'accord. Non, il n'y a pas quand. Si, si, si, si. Si. Auquel se joint à un temps le bassiste belge. Ah, il y avait quand même un belge. Ah, voilà. Je n'avais pas tout à fait faux. Alors. Auquel s'ajoute un bassiste, un belge, Jean-Paul Van Hout. Ya. Ya. Je ne sais pas comment on prononce ça. Une bonne bière. Une bonne bière, voilà. Donc voilà, les Soundlines, non, mais bon, il faut savoir, il y avait une très belle chanson. Je ne pense pas que Lia connaisse parce qu'elle n'était pas née. Ou je sais pas. Mais c'est vrai que tous les chanteurs belges, ah, ils Adamo, ont fait... oui, bah voilà. Frédéric François, ouais, Christian voilà. Vidal, il y a eu plein de beaux chanteurs belges quand même qui sont venus. L'autre que j'adore aussi. Oui. Belge. Tu passes tout le temps, toi, en boucle. Ah, Franck Miguel. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, Franck Miguel. D'ailleurs, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est fait le sketch de scène de ménage sur la 6. Ouais, je sais pas. Ah ouais, je ils sais pas. Pas appelé Franck Miguel. Miguel et après un autre nom. Un autre nom, je sais pas, je regarde pas ça. Non, je regarde pas ça. Les scènes de ménage, tu ne regardes pas ça ? Non, je ne regarde pas ça. Huguette et Raymond ? Mais ça m'est déjà arrivé ici de regarder comme ça, mais bon, c'est pas ce que je suis le plus. Mais ouais, c'est marrant, c'est marrant. Voilà, non, mais je voulais dire par rapport au Soundlines, ils avaient une très belle chanson. Tu sais, c'est aujourd'hui dimanche. Ah oui, tiens, c'est là. Jolie. Voilà. Chantée ça, c'est chantée par tout le monde, par bah, Michel oui, Thor aussi. Oui, oui, elle a été reprise beaucoup, mais c'est une chanson très, très émouvante. Ah bah oui. Un petit oui, garçon oui. qui va voir sa maman à l'hôpital et bon, je veux dire, sur le. Après, elle meurt. Enfin, il lui apporte des roses. Elle est rose blanche, le titre, en fait. C'est, d'accord. C'est une chanson et Michel très, très, très, très émouvante. Michel Thor l'a aussi. Ils avaient en tournée avec elle. Ils avaient fait aussi la chanson, une chanson oui. Qui était contre la guerre. Comment ça s'appelait le bah, j'ai un trou aussi là. Juste. Non mais un trou de mémoire. Voilà, voilà. Mais Gilles. Bon. Enfin. Mais enfin. Je ne comprends monsieur, pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Hein bon. Vous êtes tout jeune. je retrouverai tout à l'heure. Celle-là, quand même, pas mal. La redoute à Robert. La redoute à Robert. Je redoute oui, non, mais... à Robert. Spécialiste. Hein. Comment ? Alors bon, là, on va retrouver François Valéry. Là, tu connais François Valéry. Ah oui, ah, François bah, Valéry, bah, voilà. Oui. Alors, avec un titre qui est bien. L'ancien mari de Nicole Calpan. Calfan. Oui, François Valéry, oui, qui écrit aussi pour Michel Thor. Michel Thor. Emmène-moi voilà. à danser ce soir. Voilà, tout à fait. Mmh. Alors là, on écoute Elle danse, Marie, elle danse. Ah, j'aime bien. Point Marie. gens se disent qu'il faut être fou. De vivre avec un Walkman toujours branché, Marie, elle s'en fout. C'est un garçon manqué. Au début, ça la faisait pleurer. Maintenant, elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Et elle danse, Marie, elle danse. Pour oublier qu'elle a pas eu de chance. Quand ça swing, Marie, elle swing. Et tous ses complexes se débinent. C'est sa musique. Son feeling, un peu son God Save the Queen. C'est pas normal, mais elle, elle s'en fout. Elle ne dit rien, elle entend pas. Elle sait qu'un jour elle partira. Elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Et elle danse, Marie, elle danse. Pour oublier qu'elle a pas eu de chance. Comme ça, swing. Et tous ses complexes se débinent. C'est sa musique, son feeling. Un peu son God Save the Queen. Voilà, elle danse, Lia, elle danse. Non, elle danse, Marie, elle danse. Elle danse, Lia, elle danse. Elle danse, Lia aussi. Hein, on bouge un petit peu, c'est vrai que là, oui. Un petit peu frisqué quand même. Là. Voilà, voilà. Donc François Valérie, c'est bien ça, Jean-Claude. Oui, oui. Hein, c'est vrai que c'est un très bon compositeur. Très. Très bon compositeur. Hein. Très, très. Hein, c'est vrai que... Voilà. Alors là, on repart un petit peu du côté de Outre-Manche. D'accord. Avec un autre crooner. Engelbert Humperdinck. Oula. La dernière danse, non ? Non, c'est pas la dernière danse. Non, je reste sur les prénoms féminins, danse. Jean-Claude. Non, ah, oui. Oui, parce qu'elle est belle, c'est la The Latz. The Latz, c'est lui qui l'a fait aussi, celui-là. Oui, c'est lui, il chantait là aussi, celle-là. Et là, il chante Goodbye Maria. The boxes of books that that her memory will end. But one look around, my world starts tumbling down, and here comes that feeling again. Goodbye, Maria, I loved you. How long will you stay in my heart? I'll try every day to get myself to say goodbye. Engelbert Humperdinck. Voilà, un grand crooner aussi, que l'on a déjà entendu dans nos émissions Hommage aux crooners. Voilà, là, on retrouve Johnny. Tu fais pas Johnny, toi? Non, mais je rigole fort. Oui. Il a un problème de lunettes. Ça me rappelle beaucoup de choses avec l'émission Ensemble, parce qu'à chaque fois, j'avais le problème de lunettes. Mais ouais. Toi, t'en as pas. Comment tu fais pour l'en... Bah écoute, si, ça va pour l'instant. Ça, c'est bon. Les lunettes en même temps, ça sert à rien en plus. Ouais. Faire la radio avec des lunettes, c'est idiot. Ah bah, dis donc. Les auditeurs ne voient pas. Ah bah, dis donc. C'est idiot. On peut plus venir en vélo maintenant. Hein. Hein? Il fait froid. Hein. Ah, maison, oui. Hein, c'est vrai. Maison de fou. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors là, on va écouter Johnny avec un titre voilà, connu, Gabriel. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle pensée de l'amour. Et moi le chance à celui qui veut ma place. plus ma place. Pour 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine qu'on fait de l'amour. Mais j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Johnny Gabriel, hein, Gabriel. Oui. Hein, là, on va partir un petit peu du côté de l'Italie avec Francesco Napoli. Oui. Tu connais Francesco Napoli? Oui. C'était une mode, enfin, dans les années 80. Il faisait des remixes. Voilà, c'est ça. Et là, c'est. Oui. Je vais vous dire au revoir aussi parce que. Tu nous dis au revoir, non, Jean-Claude. Je passais par hasard. Tu passais. Est-ce par hasard? Oui. J'irai merci bien beaucoup, faire un bon tour accueil, du côté de chez puis, Swan. À bientôt. Bah, merci d'être venu. Merci Jean-Claude d'être passé, à c'est bientôt. Gentil. Au revoir. Voilà. On se dit au revoir, mais peut-être à bientôt. Oui, on verra bien. Hein, une fois que la page internet sera. Attends. La page internet. Personne ne l'écoute. Alors non, peut-être pas. Si, moi, si, j'entendais, la preuve. Hein. Oui, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Si, si, voilà. On nous écoute quand même. Donc, au revoir, Gilles. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Jean-Claude, merci. Et puis, bravo. Alors, ah oui. Tu vois, j'ai une belle, tu vois, assistante. C'est vrai, toute jolie, toute souriante. Mais moi, j'ai une vieille peau. Oh bah, donc je dis au revoir à tout le monde. Okay, et puis à bientôt. Merci, merci de ta visite. Voilà. Et puis voilà, non, ton appel tout à l'heure, ça nous a fait comme plaisir. Giscard, au revoir. Voilà. Au revoir, monsieur le président. Donc on continue avec Francesco Napoli. Marina, Marina. Hey, mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistar il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistar il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, no. Voilà, on vient d'entendre Francesco Napoli, Marina, Marina. Voilà, ben l'émission se termine tout doucement. Tout doucement, oui, 17h26, hein, ouais, ça passe toujours vite. Puis voilà, ben bon, oui. Voilà, on a eu un petit coup de fil, ben c'était oui. Sympa. On a eu la visite de Jean-Claude, impeccable. Voilà, qui est venu en studio, c'est bien, c'est sympa. Oui, ça fait voilà. Plaisir.